Sylvie, bonjour. Sylvie. Éclipse, l'éclipse, c'est pas vraiment intéressant. Ben, peut-être le phénomène, comment s'y récupérer. T'en as sûrement parlé, mais que les états d'urgence pour l'éclipse. Qu'est-ce que vous voulez que je pense de ça? Pourquoi il y a des états d'urgence pour des éclipses? Ben, vous savez, anciennement, on servait de ça pour faire peur au monde. Ben, vous voyez ça dans... Les prêtres savaient, certaines castes savaient prédire des phénomènes astronomiques, puis ils servaient de ça pour, des fois, même aller jusqu'à faire croire au peuple qui contrôlait les phénomènes astronomiques. C'est la même technique un peu. La colère, est-ce que ça nourrit le bas astral? Ça dépend laquelle. Pas le choix de répondre oui et non. Ça dépend laquelle. Allô. Même là, qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants là, même dans le sens que, ben là, bonne chance à démontrer ça, le beau astral, puis le haut astral. À un moment donné, va falloir être plus scientifique un peu, si on peut dire. Parce que ça en reste trop dans de la spéculation, là. Même si c'est pratique pour des gens, même si ça n'est pas pour beaucoup. Faire attention. Hein? Bonjour, bye. OK. Bonjour, monsieur Christophe. Pourquoi bonjour, bye? Bon, ben, au revoir. Donc, moi, je me fais pas mal ce temps-ci, là. Il a fallu que j'en coupe, j'en bloque, là. Un méchant paquet, probablement qu'il y a plusieurs comptes aux mêmes personnes. Non. Les magiciens de la connaissance, le fanatisme dans le culte, puis toute la patente. Réouvrir les cernes durant l'éclipse. Ah oui, bon. Vous savez, moi, le cerne, là. Si ça les nourrit, alors ils doivent tout faire pour que tu récidives, que je récidive. J'ai rien fait de mal, tant qu'à moi. Hein? Tout dépend de la colère, si elle est mentale ou juste émotionnelle. Ouais, moi-même, là. Ça peut, si vous avez une colère mentale qui est mal dirigée, bon. Donc, rendu là. J'aimerais connaître ta vision de l'occulte derrière l'éclipse. J'en ai pas. Si vous comprenez pourquoi je trouve pas ça intéressant, vous allez connaître, vous connaissez ma vision. Dans le sens que pourquoi s'attarder tant que ça à ça? C'est pas vraiment important. Mais, bah, c'est des phénomènes astronomiques. Est-ce qu'on est des arriérés qui regardent le ciel puis qui ont peur? Ça donne un peu l'idée que j'en ai. J'ai pas envie de justement d'avoir un intérêt occulte pour ça, aussi fausse de l'occulte derrière ça. Bonjour, Didier. Donc, bon, l'occulte derrière l'éclipse. Moi, c'est surtout le phénomène social, comment c'est récupéré, ces choses-là, le concret. Ce qui est vérifiable, ce qui est concret, ce qui est démontrable. Parce que là, au niveau du reste, ben, on peut pas faire grand-chose, là. Ça peut pas servir. Ben, pas tant que ça. Vous vous souvenez cette histoire-là, le phénomène, ben oui. Ce qui était arrivé en Espagne, là, des étudiantes qui avaient fait des choses pendant une éclipse, puis une qui s'est ramassée, bon. Les Espagnols, là, sont ben, bon. On entend de tout sur le supramental. Bon, pour ça, ça devient plate. De ces entités qui se nourrissent de nos émotions, blablabla. Ouais, mais c'est ce que c'est vraiment ce qu'on pense. Juste le fait d'aborder ça, est-ce que c'est pas nourrir? Il y a ça qui me dérange, là, avec ce milieu-là. Ils sont obsédés par les entités rendues là, à un moment donné. Là. Je suis pas en train de nier que ça existe, là. C'est pas ça, là. Je suis pas en train de nier que ça existe, mais regardez, là. Les gugus d'entités, puis tout, c'est pas très sain. On va dire ça comme ça, là. Puis, bon, je suis pas en train de nier que ça existe, là. Tu en parlais une fois avec Monsieur D, je pense qu'on avait coincé quelque chose. Ça arrêtait pas de se plaindre. Puis c'est ça. Ça passait d'un à l'autre. En tout cas, bonjour, maman présente. Donc, c'est sûr, pas de. Comment voyez-vous l'évolution de la conscience mondiale? Je la vois pas. J'en vois pas. Vous savez, là, on s'en va pas vers plus de conscience en ce moment. Je pense pas. À moins que ce soit prendre conscience de des choses. Parce qu'on n'a pas le choix, là, collectivement. Mais on s'en va pas vers des choses merveilleuses, là. Les Américains sont tellement endettés qu'ils ont. Le seul moyen de s'en sortir, c'est des guerres. C'est un peu comme quelqu'un qui doit tellement d'argent là, que le seul moyen de s'en sortir, c'est de détruire les gens qui doivent de l'argent. Sinon, c'est impossible. C'est impossible. C'est exponentiel, là, leur dette. Donc, ça augmente de 1 000 milliards par trimestre. 1 000 milliards par trimestre. Vous regardez là, l'or a explosé. On a dépassé 3 023 $ canadiens l'once. Mais est-ce que c'est l'or qui monte ou nos monnaies qui baissent en valeur? Il y a peut-être les deux en même temps, une espèce de. On pourrait faire un. Revenons juste au réel. Et voilà. Et voilà. Pour en voir, là, en avoir vu, là. Non, non, non. La sanité. La sanité, avant tout. Oui, être objectif. Pour ça, je vous dis, il va falloir être plus scientifique un peu. Puis se fier juste à ce qui est des faits vérifiables. Parce que moi-même, dernièrement, les affaires, je peux pas vérifier, je m'en occupe pas, là. Je m'en occupe pas. Il y en a qui se concertent me faire des petites menaces voilées, ça, c'est jamais bon signe, dans le sens, ben, c'est pas que si c'était concret, ça serait bon signe, c'est pas ça que j'ai dit. Mais je veux dire, si on vous menace de quelque chose, le vrai réel quelque chose, c'est la menace, pas le quelque chose qu'on vous fait miroiter, surtout que, ben, ça se tient pas. Les menaces qu'on me fait, moi, là, je serais un maître noir qui va être dévoilé, mais j'ai rien à me reprocher. Je vois pas ce qui pourrait être dévoilé, à part mes des infos personnelles, des affaires de même. Puis même là, ce serait même pas intéressant. Donc, c'est du vent. C'est du vent. Tout ce que les complotistes dénonçaient, ça va être pas tout. Non, faut pas aller trop loin. Il y a des affaires qui se sont avérées délirantes. Donc, attention, là. Tout, là, absolument tout. Pas tout. Parce que des complotistes, il y en a toutes les sortes, là. Il y en a que c'est vraiment délirant. Il y en a, là, vraiment, là. Hein? Du coup, vous êtes français. Du coup, le complot est bien réel, ça dépend. Ben là, je veux dire, c'est l'histoire du monde des complots. Mais de là à devenir obsédé par ça. Je l'ai déjà dit, complotiste, entre autres, c'est un terme qui est sorti dans le temps de le rapport. C'est quoi, c'est le rapport quoi, donc? C'est quoi, dans le nom du rapport? C'est pas le rapport Warren, je suis pas sûr, hein? Ceux qui s'astinaient sur. Moi, je pense que c'est ça. Bon, de toute façon, est-ce que c'est intéressant? Bonjour, Marjorie. On a une petite fille de dos. Une petite fille de dos. Donc, bon. Mais c'est un peu comme le terme terroriste. Quand on sait comment le terme est apparu, ben, c'était parce qu'il y a des gens qui résistaient à une occupation dans des ghettos en Pologne que je parlais de ça. Bon, les robots YouTube, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Aimez-vous mes petits extraits de films? Mes petits extraits de films. Vous savez, j'aime pas Peter Sellers. C'est pas un acteur que j'aime. Mais Doctor Strangelove, waouh! C'est de la haute voltige. C'est ça, là. Vraiment, là, on est dans de la comédie. Quand il calcule avec une roulette, là. C'est dans le temps qu'il n'y avait pas des petites calculatrices, il y avait ces roulettes-là. J'en ai une en faire de même. Ça sert encore dans le dessin industriel, faire des calculs. Mais n'y a plus personne qui sort de ça. C'est vraiment hein, intéressant, je ne sais pas. Plutôt inquiétant, non. Ça dépend en quoi. Moi, ben, personnellement, je ne suis pas inquiet. Pourquoi? Comment ça se fait que je ne suis pas inquiet? C'est quoi la guerre psychologique? Ça vise à quoi? Puis... Non, non. Moi, plutôt inquiétant, oui et non. Peut-être que notre inquiétude est dirigée et qu'on ne s'inquiète pas de ce qu'il faut. Ça serait plausible. Parce qu'au niveau tactique, c'est plus efficace. Hein? C'est plus... Donc, c'est ça. Ça se peut que j'ai de la famille qui arrive. Donc, j'arrêterai le direct. Mais je le ferai pas long. Je le ferai pas long. Hier, je me suis couché après le souper. Puis, je me suis réveillé en pleine nuit. Donc, bon, j'ai passé quelques heures que finalement, je me suis recouché ce matin. Puis, ben, c'est ça, là. Pourquoi je disais ça? Je m'en souviens plus. Mais disons que, bon, je veux pas que ça dure trop longtemps. Je vais aussi, en ce moment, c'est, bon, ça va être Pâques. Un souper de Pâques à préparer. Donc, c'est ça. À part ça, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Il y en a. Moi, je vais vous dire qu'est-ce que je trouve inquiétant. Ce que je trouve inquiétant, le monde sont dépressifs. Il y en a beaucoup qui sont dépressifs. Ils ne s'amusent plus de rien. Ça, je trouve ça inquiétant. Ils vont faire un procès à un bonhomme qui est clairement pas... qui est clairement pas responsable de ses actes-là. Pour des raisons, la justice, ça sert plus à... Ben, c'est pas un procès équitable, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. C'est pour les raisons de gestion du public. Je trouve ça n'a pas de bon sens, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Même, j'avais un enfer, le gars était complètement délirant, en pleine cour, puis c'était clairement le mobile, puis tout, c'était clairement délirant. Son avocat, il n'a jamais demandé d'évaluation. Tout le monde le voyait qu'il était délirant. Ils n'ont rien fait. Le gars n'était pas responsable de ses actes, puis ils l'ont quand même. Tout le monde voulait un procès, puis il aurait été payé. C'est dégueulasse, ça n'a aucun sens. C'est comme une lobotomisation mondiale. Je ne voudrais pas jusqu'à dire ça, mais hey, bonjour. Franck Radio TV Lab, bon matin. Vous, votre lab, c'est juste des choses... comme pour des appareils de radio. Vous ne faites rien d'autre. Vous faites de l'électronique, vous. Donc, bon. Ben, vous devez avoir ça, vous. Vous savez, là, les. C'est des espèces de boîtes, là, des grosses machines qu'on sert pour vérifier des appareils. Là. Oui, électronique. Ouais, ben, c'est tannant, ça. À chaque fois que je cherche du matériel de laboratoire, c'est des affaires de matériel électronique, souvent, qui sortent. Puis je vois souvent ça, cette espèce de machine, ça ressemble à une tour d'ordinateur, sauf que c'est fait pour alimenter en électricité des appareils pour les tester, puis on peut jouer avec le débit de courant. C'est quand même intéressant, mais moi, c'est pas mon domaine. Sur les inventions de Tesla, OK, je pensais que vous faisiez de la réparation, que vous faites de l'électronique, là. Ben, les inventions, bon, c'est peut-être entre autres, hein, peut-être. Parlant d'électronique, oui, vous savez, je ne suis pas bien bon là-dedans, ce qu'il faut, bon, ah oui, ouais, moi j'ai bien pensé, parce que les travaux sur les inventions, ces choses comme ça, ben, comment je pourrais dire, c'est super intéressant, mais c'est dur d'avoir un revenu de ça. J'en connaissais dans le temps du monde qui s'occupait beaucoup des réparateurs de télévision. Mais aujourd'hui, ce genre-là ne pourrait plus travailler. C'est impossible. C'est plus pareil. Mais même moi, j'étais bon avec la technologie quand j'étais plus jeune. Mais c'était totalement autre chose. C'était un autre monde. Complètement. Réellement complètement. Puis, j'avais pas de misère à comprendre, j'avais pas tout. Là, depuis que, bon, c'est analogique, puis numérique, puis... Même, moi, ce que j'aimais le plus, c'est tout ce qui est des engrenages. Les horloges, les... Vous savez, les petites... Vous savez, les minuteurs, les vieux minuteurs pour les échecs? Ça, bon, c'est le genre d'affaires, j'avais pas de difficulté, mettons. C'est pas de la technologie, ben, bon. Hein? Avez-vous déjà vu la machine à calculer de Blaise Pascal? C'est vraiment extraordinaire quand même, là. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y en a des copies. Bon, c'était pas à la portée de tout le monde. Un jour, j'ai installé une application de CB Radio AM sur mon ordi. Un paquet de pitons de fréquence que je comprenais pas trop. En gossant avec un moment, mon ordi s'est mis à biper. Ah oui. Ouais. C'est les CB. Ben, vous savez que j'en ai un appareil pour les ondes comme ça. À un moment donné, j'étais tombé sur une fréquence, c'était des CB, là. Les CB. Ils travaillent. Ah, les moteurs, moi. Ouais. Ouais. J'ai dû fermer mon ordi tellement ça augmentait. J'avais peur qu'il saute, moi. Ouais. Ben, moi, avant, j'utilisais pas le Wi-Fi. J'utilisais pas le Wi-Fi. Puis, admettons que j'avais une attaque, par exemple, un espèce de. J'enlevais le fil. Mais à un moment donné, bon, je pouvais pas. Puis, bon. Oubliez ça, là, j'ai rien pu faire. Mon ordinateur a sauté d'un coup, pas le dernier, là, l'avant-dernier. Bonjour. Bonjour. Hey, Miss May. Donc, moi, c'est bien intéressant. Quand même, vous savez, je suis pas babacalé tant que ça dans ces affaires-là. Parlant. Je regardais dernièrement. Hey, bonjour, Madame Martin. J'aimerais ça te contacter. Moi, je sais. Mais c'est parce qu'il faudrait que j'ouvre encore une boîte courriel là, au nom de Berthold. L'autre, elle doit être complètement. Je dois quitter. Bon, on dirait que bon, ben, bonne journée à vous. Ah, ben, il n'y a pas de quoi. Dernièrement, je regarde les appareils à ultrasons pour nettoyer. Ben, vous devez avoir ça, vous. Nettoyer les petites pièces, là, entre autres. Ben, ça marche aussi pour la verrerie de laboratoire, des affaires de même. C'est en même temps chauffant, ça émet des ultrasons. Puis, vous savez, c'est des gros caissons, là, avec un espèce de drain sur le côté. C'est cher, ces affaires-là. Oh, mais je sais qu'il y a des mécaniciens qui nettoient des morceaux, des pièces avec ça. Des carburateurs, des bons. C'est cher, ça. Mais à un moment donné, je vais m'en prendre un. J'en veux un. Hein? Hey, bonjour. Bintou Ayam. Bintou. Bon, ben, bienvenue. Puis, qu'est-ce que. Bon, un paquet d'affaires. Dans le fond, c'est des bébelles. C'est des bébelles. Mais il reste que, bon, en même temps, bon, ben, ça peut servir à nettoyer plein d'autres affaires. Il n'y a pas grand-chose de plus efficace, là, mais il faut que ça soit de qualité. Je regarde ça, là, il y en a que c'est cheap. C'est juste. C'est en jasant par rapport à un dentiste, puis je me demandais si lui désinfectait ses affaires avec un autoclave ou. Non, non, une patente à ultrasons. Tandis que les dentistes, eux autres, sont plus. C'est comme les chirurgiens, là. C'est des machines plus. Ah ben de rien. Donc, moi, je regarde ça ces temps-ci. C'est des belles affaires, je veux dire, c'est des machines intéressantes. Vraiment, là. Puis, mais c'est ça, c'est cher. Je trouve ça bien trop cher. Mais bon. J'avais trouvé un évaporateur rotatif pas trop cher. Mais, après, j'ai fait des recherches, voir est-ce qu'il est apprécié, est-ce qu'il est utilisé. Non, c'est pas de qualité, ben, ben. Notamment un bonhomme qui, lui, il fabrique de l'éthanol. Bon. Puis il trouvait, il dit, je sais plus trop combien de temps il l'a utilisé, puis ça n'a pas fait long. C'est pas de qualité. Je regarderai plus tard là, pour peut-être un plus gros, on verra. Là. Quelque chose d'autre. Maintenant, ce temps-ci, moi, je trouve ça s'essaye. ceux qui comprennent ce que je veux dire, là, puis je n'ai pas envie d'expliquer ça trop en détail, là. Ça a failli marcher. Ça fait 4-5 fois là, dans les derniers jours. Mais c'est à croire qu'ils sont concertés. Mais je pense pas. Oh, je pense pas. Mais il reste que ça a failli marcher. Cette nuit, je vois, comme je vous dis, je me suis couché après le souper, je me suis réveillé en pleine nuit. Cette nuit, genre, je vois quelque chose, puis tout, puis j'avais répondu très bien, d'ailleurs, c'était tout bien, plus finalement. Je me recouche un peu, je regarde ça, puis là, oh non, non, non, puis là, je suis allé effacer, puis je suis allé, juste barrer. Bon, non, dès qu'il y a des petites menaces, là, d'aucune façon, là, voilées, là, par en dessous, là, non, non, c'est fini. Peu importe qui, peu importe qui. Non, non, non, non, ça marche pas, ça, là, là. J'accepte pas ça. De la même façon que, bon, il y en a qui disaient, on négocie pas avec des terroristes, je vais pas répondre à du monde qui me menace. Il n'y en est pas question. J'écoute les militaires parler. Ah oui, ça a l'air qu'il va arriver. Ouais, mais même les policiers viennent à bout de... sont codés, les fréquences, à cette heure, dans certains coins, fait que ça me surprend un peu. Mais vous êtes infiltré. Possiblement. Il y en a qui écoutent les cellulaires. Puis le pire, c'est que c'est même pas illégal, parce que techniquement, les ondes, c'est à tout le monde. Donc, c'est comme si vous ouvrez votre fenêtre, vous écoutez une conversation des voisins. Légalement, là. J'écoute les militaires parler, puis ça a l'air, ben, pourquoi vous dites ça en public? Vous devriez peut-être pas, là. C'est peut-être pas une bonne idée. Il va arriver quelque chose de grave le 8 avril, puis bon, passer du temps avec nos proches, c'est le temps de pauvre. Je vais être franc avec vous, ça m'inquiète pas. Désolé, là. De toute façon, je passe ma vie à passer du bon temps avec tes proches. Il y aurait deux ados qui auraient tiré deux hommes de façon à aller, ouais, j'ai vu ça. Un policier annonçant la thèse rituelle. Ouais, ben, c'est des rituels initiatiques, mon sens des gangs de rue. Pas des rituels initiatiques au sens comme d'autres pensent. Là. C'est des gangs de rue, c'est très commun en Angleterre, entre autres, dans certaines villes des États-Unis. C'est qu'il y en a un qui est probablement le munitien le plus jeune, puis pour ça, il faut que tu tires aléatoirement sur du monde. Sur des sauvages, je voulais que je vous dise. Et cette nuit, l'autre nuit, dans mon rêve, j'étais agressé. Ah oui! Ouais, ça fait attention. Je parle de mes amis militaires. Ah, cette nuit, je devais porter une nouvelle matière vestimentaire. C'était tranche. Moi aussi, je rêve beaucoup ces temps-ci. Mais l'affaire, les deux ados, c'est un clinicien plus jeune. C'est pas des Canadiens français, ce monde-là. On va le dire comme ça. Puis finalement, c'est un arbre qui les a arrêtés, là, si on parle des mêmes que je pense. Là. Mais ça m'étonnerait que Valérie Plante donne une médaille à l'arbre. Moi, je décorerais l'arbre. Désolé. C'est peut-être pas des blagues à faire, mais le pire, c'est pas tant que ça une blague. Mais 16 et 14 ans, tirer de façon aléatoire sur du monde. Là. Moi. Mon idée est faite. Heureusement, c'est pas moi qui fais les lois. Mais de toute façon, il y a... Bon. Moi, je pense que je mettrais une médaille à l'arbre. Je médaillerais l'arbre. Je donnerais les clés de la ville. Alors que disent les militaires pour le 8 avril. Ben, oui, il y a plein d'affaires qui me sortent le 8 avril. Deux affaires de même, vous savez, j'essaie de... Je pense que c'est Mme Kusmanovitch qui disait que il y aurait de quoi par rapport à la finance. Là j'avais plus peur un peu. Mais... Je veux dire, regardez, là, on nous prédit un effondrement depuis des années, puis plus on s'en va vers la guerre, plus ça dépend dans quoi. Mais alors explose, le pétrole, le Brent remonte à comme il était, je veux dire, ça n'a pas l'air d'aller mal, là, au niveau financier. Donc, bon. Jeudi saint, je pensais que la bourse fermait à 1h. J'avais reçu un message que la bourse fermait à 1h. Donc, le matin, je me dépêchais. Puis, ça a été ouvert l'après-midi. Puis après, je vais voir si c'était ouvert. C'était peut-être pour les États-Unis, je ne sais pas. Oui, pendant qu'il prédisent le crash, la bourse monte sans arrêt. Ouais, mais le pire, c'est que c'est ça qui est déjà arrivé il y a longtemps. Ben, il y a longtemps, c'est parce qu'on vit pas vieux, là, qu'on dit il y a longtemps, ça fait pas longtemps. Mais il reste que c'est déjà arrivé. Tout montait. Tout allait bien. Ça arrêtait pas, là, à un moment donné. Quel monde appelle un crash? Ce qui est le vrai terme, tant qu'à moi, c'est le mot allemand crack. Crack. Crack boursier. Ben, parce qu'eux autres, il y avait eu avant, c'est un peu eux autres qui ont évoqué ça en premier. Souvenez-le, la République de Weimar, ces affaires-là. C'est parce que les monnaies sont fausses. Ben oui, certainement, qu'il dit de vous. Moi, j'en ai de la vraie monnaie. Hein? Ben, de toute façon, est-ce qu'il y en a qui ont acheté de l'argent? De l'or, puis vous louez un coffre, là, puis je veux dire, ça, c'est de la vraie monnaie. Ça peut pas perdre de valeur. Ça peut juste en gagner. Il y a quelqu'un qui m'avait contacté, qu'on se jose en privé, que je connais un peu, puis qui me demandait qu'est-ce que t'en penses, toi, je vous achète de l'or. Ça fait un bout de ça. Fait que d'après moi, la personne est plus riche qu'elle était. Hein? C'est sûr. Il y a l'or que j'ai acheté il y a le plus longtemps, aujourd'hui, il vaut un tiers de plus. Il y a quelques temps, la caisse de placement de dépôt, il se pétait les bretelles. On a un rendement de 7,25%. C'est excellent. C'est pourri. Mais franchement, c'est pas bon. 7,25%. Au moins. Ben là, faites-nous pas. D'essayer de nous faire croire que c'est un succès, ça. Non. Non. Un rendement, il est bon à partir de 15 à 20%. Si vous n'avez pas ça, là, ça veut dire que vous n'êtes pas bon. Je parle comme... bon. Hein? C'est parce que les... Ouais, faisant acheter pour combien de l'or pour être tranquille? Ça dépend. Ça dépend. L'affaire, c'est parce que ça dépend aussi les coffrets de sûreté que vous louez sont où. Parce que si c'est en Suisse, oubliez ça. Je veux dire, s'il arrive quelque chose, ça va tout couper, là. Vous ne pourrez pas vous en sauver. Donc, bon, ça dépend tout le temps des circonstances. Mais pour être tranquille, pour un bout, là, quelques années, si comme je pense, ça va, puis que l'or... même là, vous êtes mieux de pas avoir juste ça, ça prend de l'argent. Pour ce que ça prend. C'est parce que l'or, c'est comme si vous aviez juste des grosses coupures. En temps de crise, vous ne pouvez pas acheter du lait là, avec une pièce d'or. Vous allez vous faire avoir. Ça prend des petites pièces d'argent. Puis, mettons de l'or. J'hésite. Quand Trudeau il a vendu les réserves d'or, mettons que même pour un particulier, ça en prend quasiment ça. Ce qui restait, je parle. Ça tenait dans les mains d'une personne, ce qui restait quasiment. La trahison, ça vend de l'or de même. Sarkozy avait fait ça. Il a vendu l'or des Français. C'est de la trahison. Voyons, là. Faites pas, là. Ben, je suis pas pour dire aux politiciens, faites pas ci, faites pas ça, ils s'en foutent. Hein? La caisse est risible avec ses rendements, oui. Oh, ça n'a aucun... C'est ridicule. Ils ont tellement investi dans des affaires que... Oh. Puis, après Michael Sabia, qui est à la tête de ça, ils l'ont mis à la tête d'Hydro-Québec. Je vais faire attention. Pas de lingots, mais des bijoux. Ben, ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir des lingots, mais les pièces de monnaie, il y en a d'un gramme. Ça existe, les pièces d'un gramme. C'est tout petit, là. Un rond de piste de souris. Vous achetez ça à coût de 25. Ça se vend à coût de 25, c'est des petits... Ça ressemble à des paquets de gomme. Mais quand vous le prenez, c'est lourd, là, puis là, vous passez ça, puis là, vous l'ouvrez, puis là, vous voyez toutes les petites pièces dans le grand. Hein? Vous avez déjà dit de mettre le métal précieux dans une étude de notaire. Oui, vous pouvez faire ça. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que vous en avez tout le temps localement près de chez vous, des notaires. Puis, mais même de l'argent. Ce que vous faites, vous dites au notaire, je voudrais déposer un document à votre étude de telle date à telle date. Vous prenez des billets la plus grosse coupeur, des plus grosses coupeurs possibles, vous les mettez dans des feuilles de papier. Vous mettez ça dans des enveloppes. Là, vous pouvez attacher comme ça des feuilles ensemble, vous mettez de la corde avec des sauts de cire. Je voudrais confier ça à votre étude. Mais là, faites quand même attention. Mais moi, je ne vous dis pas nécessairement de faire ça, mais je vous dis que c'est une façon qui existe. Ça dépend de votre notaire. Est-ce que vous faites confiance puis tout? Parce qu'il y en a, ils ne voudront pas conserver dans leur étude des affaires qui ne savent pas trop c'est quoi. Ça dépend, là. Puis des notaires croches, j'en ai connu. J'ai habité dans une autre ville, beaucoup plus criminalisée qu'ici, même une des places les plus criminalisées au Québec pour le nombre d'habitants. Puis lui, c'était un notaire véreux, ce bonhomme-là. Mais déjà là, je rentre dans le bureau, puis c'est rien que des gugus de golf. Oh, ça, c'est pas bon signe. Hein? Ça, c'est mon opinion, là. Du monde obsédé par le golf. J'ai de la misère. Ça veut dire que... Ben, c'est quoi les terrains de golf? C'est des places pour se parler tranquille, puis faire des ententes, puis bon. Hein? Monique Jérôme Forgette, elle a appris à jouer au golf. Pour ça. Elle l'a dit. OK. Hey, bonjour Steve. Sabia sort les démarrés, on dirait qu'ils le font exprès pour qu'on le sache. Ben, tout ce qu'on sait, c'est parce que c'est voulu. C'est pour ça, vous vous souvenez quand il y a eu l'affaire Anonymous qui sortait des vidéos, puis tout. Hey. C'est un peu, vous savez, le meilleur moyen d'avoir le contrôle au niveau de la com, c'est de contrôler même l'opposition. Au niveau de la communication, donc. On en est toujours rendu à la conquête de l'Ouest avec l'or épluché dans les rivières. Ben, moi, j'ai pas vu ça, là. J'ai jamais vu ça. Non, c'est quand même pas pire à cette heure. Même David Lévesque, j'ai visité une mine avec lui. On était voir les tambours, là. Des tambours géants, c'est immense, puis ça tourne. C'est quelque chose. C'est gros. Mais bon, il devrait être inventé un jeu de réalité virtuelle pour les élites en quête de guerre. C'est quoi, vous pensez la réalité pour eux autres? Ce que nous autres, on appelle la réalité. On a une réalité plus... Pour ça que c'est comme le bas d'une structure est plus dense, puis le haut, là, c'est plus léger. Hein? C'est plus... Bon, eux autres, il devrait être un... Hey, bonjour, l'oiseau moqueur. Ben oui, je pense que je t'avais écrit dernièrement. Mais probablement, c'est parce que c'est sur Skype, tu l'as pas... Moi, je me rappelle même plus de quoi je parlais. OK, j'irai pas, mais c'est recoupé. Je m'en souviens plus. Mais bon. Hey, je me suis fait troller. C'est un dernier show. C'est aucun sens. J'ai vraiment vu ça agressif dans ma main. Vraiment, là. Ça n'a pas de bon sens. Là, j'ai rendu des menaces. Moi, je suis habitué, ça fait 12 ans que j'en ai des menaces. Est-ce qu'il y a une minière envers laquelle vous avez confiance pour l'investissement? Plusieurs. Mais moi, je ne peux pas vraiment donner des conseils financiers. Je ne veux pas vous donner la... Mais une que, bon, les investisseurs n'embarquent pas toujours encore, puis tout, puis qu'il va y avoir un des plus gros projets, que ça va être une des quatrièmes plus grosses au Canada, c'est... Allez voir, là, le sigle, c'est IMG. Mais je ne suis pas en train de vous dire d'investir là-dedans. Là. Hey, bonjour, monsieur Saint-André. Comment acheter de l'argent? Ben, il y en a tellement qui en vendent. C'est pas dur, là. Ben, si vous êtes dans une ville assez grande, vous avez sûrement du monde qui en vende. C'est comme des espèces de petits comptoirs. Là. Puis vous faites une recherche rapide, vous allez en trouver. Oh, même les pawn shops, des fois, ils ont des pièces d'or puis d'argent. J'ai acheté, moi, une pièce d'or à un gars qui tenait un pawn shop aux États-Unis. Elle était toute petite, là, mais vu qu'elle est rare, vu qu'elle est vieille, vu qu'elle est rare, c'est pas pour l'or nécessairement, c'est pour ce qui fait sa valeur. Mais il reste qu'il m'a envoyé ça par courrier sécurisé. Puis après, j'ai regardé, je veux dire, je l'ai pesé, j'ai c'était. Non, c'est ça, il était correct. Je me suis pas fait. Au moins, il se battrait sans ennuyer le peuple. Moi, Melo, je ne sais pas. Juste de dire, il faudrait les sortir de la réalité. C'est nous autres là, qui sortons de la réalité en envisageant des affaires hypothétiques de même. Là. Ben, je le vois un peu. Vous n'êtes pas dans une région aurifère, vous? Ben oui. Je suis sur une ville qui a été fondée sur une mine d'or. Il y en a en dessous de moi, de l'or. Je suis sûr 100%. Hein? Donc, il y a une vague de trolls, c'est un. Ben oui, c'est parce qu'on ose dire, ben là, il se passe des affaires, détourner l'attention. Fait que là, il faut détourner l'attention de la personne qui dit, de toutes les personnes qui disent que c'est pour détourner l'attention, détourner leur attention pour détourner. Ça finit plus. Ça finit plus. Mais pas seulement. Parce que du monde que je le sais que sont pas, c'est pas des trolls, puis tout, là, ils capotent tout en même temps. Ils capotent tout en même temps. Puis le monde sont dépressifs, puis sont malheureux. Puis ils ont plein d'affaires dans leur vie, puis ils se font craquer par en arrière. Je veux dire, bon, en tout cas, ils se font craquer. Ils se font, ben moi, j'ai pas rien que ça à faire, là. Mais là, qu'on s'est rendu que c'est des menaces, ou pas grave, là. Hein? Si vous voulez faire de quoi, faites-le. Mais pas du blabla, pas du vent. Non, non, aucun conseil, merci. Costco en ligne vend or, argent. Ouais, c'est nouveau, ça. Mais ça, ils se sont rendus compte. Eh, aux États-Unis, je ne sais plus trop si c'est pas Walmart ou. Ils avaient mis en vente des petits lingotins d'un gramme, d'un demi-gramme, de 1,5 gramme. Ça a disparu, je pense, en 4 heures. Ce qui prouve que les gens sont pas si stupides. Ils sont pas si fous que ça, là. Donc, bon. À Sherbrooke, j'ai acheté de l'argent sans problème. Oui, oh, il y en a partout. Partout. Même. Ben c'est comme. Prenez les Maple Leaf, les Silver Maple Leaf. Ben, ça s'achète par rouleau, là. Pas de problème. Ils vont vous envoyer ça par. Puis vous font signer une affaire. Puis même, mettons, vous avez une institution financière, vous pouvez faire livrer à votre institution financière. Après, vous vous rendez sur place. Ça dépend là, si vous avez un coffret de sûreté là ou pas. Ben, c'est pas des cas. Vous savez ce que je veux dire là. Les petits. Hein? Les petites boîtes en métal. Bon, tout ça. Bon, donc. 933e avenue. Nord, Sherbrooke. Ben oui, il y en a partout. C'est pour ça que ça me surprend tout le temps quand le monde, ils disent où je peux. Ben, je veux dire, c'est le probablement dans les commerces les plus anciens du monde, puis il y en a dans partout. Il y en a partout, puis ça a tout le temps été d'une grande importance. Je veux dire, c'est dans les choses que. Il n'y a pas une civilisation digne de ce nom-là qui n'avait pas des changeurs de monnaie ou qui n'avait pas des gens qui transigeaient des métaux. C'est la première monnaie. Même, il y a déjà eu des. Comme certains coquillages qui étaient très rares, servaient de monnaie. Les perles de conque. C'est quand même. Certains types de. Bon, il y a toutes sortes de choses là, qui peuvent servir de monnaie. Mais les perles de conque, ça a une certaine valeur, puis c'est tout petit. C'est tout petit. C'est comme. Vous savez, les perles de conque, c'était une perle, c'est couleur. C'est comme couleur saumon, un peu, c'est orangé, rose. Ça a une certaine, si vous en avez plusieurs, là, ça a une valeur, ça. Ça va toujours en avoir, ça fait des millénaires que ça a de la valeur. Ça a une valeur. Mais c'est comme pareil pour un paquet de choses. Prenez le lapis-lazuli afghan. Les Afghans, c'est une des choses qui peuvent se servir même si la monnaie tombe ou quoi. Ils ont tout le temps transigé de du lapis-lazuli. Mais prenez, vous savez, l'affaire avec l'Afghanistan, c'est que ça a déjà fait partie des empires, de l'empire mongol. Fait qu'ils, je dis, on dira ce qu'on voudra, ils savent faire des affaires un peu. Ils comprennent certaines choses. C'est pas des idiots, là. On a été conditionnés à penser que toutes les autres cultures, c'est toutes des idiots. Ça dépend. Je veux dire, il y a des expertises, ça fait des millénaires que certains peuples ont. Il y a des choses qui sont de grande valeur, mais c'est à faire attention. Parce que prenez les perles noires tahitiennes. Depuis quelques années, il y en a des fausses. C'est-à-dire que c'est des perles de verre qui sont introduites artificiellement dans des huîtres. C'est des fausses. Mais ça prend un appareillage pour le voir. C'est-à-dire, puis c'est pareil pour l'or ou certains gemmes. Vous prenez un laser. C'est des outils au laser, puis ça va vérifier le moléculaire. C'est pour ça, à un moment donné, j'avais montré une pièce d'or, puis j'avais montré, il y a un petit une affaire, il y a une petite chose en filigrane. C'est un laser qui lit ça. Bonjour, j'ai pas le choix. C'est un laser qui lit ça, puis vous êtes sûr à 100%. Il existe même des machines, ça ressemble à des sortes de petits binoculaires, vous mettez la pièce, puis vous pouvez être sûr à 100%. Il y a tout le temps des moyens, il y a tout le temps des façons, peu importe, là. Même quand c'est des très belles pierres, lapis-lazuli, oui. Mais il faut que ce soit poli. Parce que quand vous l'achetez brut, là, c'est ordinaire. Là, vous mettez de l'eau un petit peu, puis là, vous voyez le bleu. Une autre affaire qui a tout le temps eu de la valeur, c'est le porphyre. Le porphyre. C'est comme quand vous voyez des colonnes, comme il y a dans des églises baroques, là, des fois, il y a des grosses colonnes, c'est rouge. C'est pas du marbre, c'est beaucoup plus frappant comme couleur. Là. Ça a une grande valeur, ça. Je veux dire, c'est gros, là, ça en prend beaucoup pour que ça ait de la valeur, mais ça a quand même de la valeur. Je veux dire, prenez les boîtes de malachite qui viennent de certains coins de l'Afrique. Ça a de la valeur, ça. Ça va toujours en avoir. Il y en a bien qui disent, oui, mais quand ça va être la fin des temps, puis qu'on n'aura plus rien à manger, ces affaires-là n'auront pas de valeur. Ben oui, mais la nourriture, elle va se transiger comment, vous pensez? Quand même, on a toujours besoin de support physique. Puis il y aura tout le temps des fous. C'est-à-dire, oui, c'est de la folie de donner de la valeur à des choses comme ça. Pourquoi ça a de la valeur? À mes yeux, parce que les autres donnent de la valeur. Il y en a d'autres qui donnent de la valeur. Parce que moi, entre vous et moi, là, ces affaires-là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Qu'est-ce qui va pour avoir de la valeur? Matériel médical. Le matériel médical, c'est un. Si vous achetez du matériel médical, je ne sais pas, moi, des boîtes de gants en nitrile, des choses comme ça a de la valeur. Là. Des choses en acier chirurgical, des scalpels, tout ce qui peut servir en temps de crise au niveau médical, ça a de la valeur. Je veux dire, c'est évident là, que dans un moment où tout va mal, là, allez dire ça aux gens à Gaza que ça n'a pas de valeur, le matériel médical. Puis, hein, je me suis acheté le livre durant ça. Ah oui. Bon, c'est comme vous voulez. J'avais envie de voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. L'as-tu déjà lu? T'en penses quoi du livre? Je ne l'ai jamais lu, je n'ai pas l'intention de le lire. Parce que je trouvais ça trop cher, premièrement. Puis pour avoir vu du monde qui l'ont lu, puis tout, puis comment qui sont l'influence que ça a eu sur eux. Pas sûr, ça me tente de lire ça. Mais je peux vous dire que ça dit que Jésus est un extraterrestre, puis des affaires de même, entre autres. C'est sous-entendu, là, puis. Bon. Donc, ça peut être intéressant à lire pour voir que justement, mais ça, supposément que ça a été canalisé de Jolo, là. Tout est canalisé de toute façon, je veux dire d'une certaine façon, parce que bon, vu que la pensée c'est subtil, ben, d'une certaine façon, quand vous parlez ou vous écrivez, le corps canalise du subtil, veut, veut pas. veux pas. Donc, est-ce que ça donne du crédit ou une valeur? Non, tant qu'à moi. Ce qui aura de la valeur, si effondrement, seront les médicaments, ouais, entre autres. Mais aussi tout ce qui permet d'en synthétiser. De la synthétise, de l'aspirine. Vous pouvez prendre certaines choses puis synthétiser des médicaments avec. Ça prend. Il y a des choses que vous n'avez même pas besoin d'électricité, juste de l'eau froide qui courante. Je veux dire, si vous avez des brûleurs à alcool, puis bon, puis vous connaissez les techniques là, avec les appareillages de verrerie. La verrerie de laboratoire va avoir beaucoup de valeur parce qu'avec, on peut synthétiser des choses qui ont de la valeur. C'est toutes des choses qui ont de la valeur. C'est extrêmement intéressant de vous écouter. Ça dépend sur quoi. Pour qui aussi, j'imagine. Il me semble que celui qui a écrit le livre est inconnu. Je trouve ça spécial. Ouais. Moi aussi. C'est comme des menaces anonymes. Ça a quelle valeur ça a. Hein? Mais bon, je veux dire, l'affaire, c'est... Bon, vous le voyez par vous-même. Si vous trouvez que c'est intelligent, c'est correct. Là, c'est pour vous, là. J'en ai de la verrerie ancienne. Ah, moi, je parlais de la verrerie de laboratoire. En bromosilicate. Parce que si je prends de la verrerie ordinaire, il y a des choses, je ne peux pas synthétiser des produits chimiques avec, ça va casser. Ça va éclater. Fait que, donc, moi, ce que je vous parle, c'est vraiment de la verrerie faite pour ça. Puis il y a tellement. Les morceaux, c'est tellement cher. Un tube de refroidissement à serpentin, là, dépendamment de la longueur qu'il y a. Là. Oh, c'est cher. C'est très cher. Ces affaires-là, c'est pas fait en série. Hein. Ouais, c'est fait en série, mais c'est pas comme. C'est pas comme. Moi, des flacons épais. Ah oui, ah ok. Moi, comme des affaires ambrées. Moi, c'est pour empêcher la lumière. Il y en a des bleus, des verts, des bruns. Puis, dépendamment de ce que vous mettez dedans, à cause des longueurs d'onde de la lumière, il faut choisir la couleur adéquate. Il y en a des noirs aussi. Quand c'est très, très fragile, là, à la lumière, là, il y en a, c'est carrément noir. Mais ça, c'est difficile à trouver. Plus. Les plus faciles à trouver, je dirais, c'est les bruns. Les ambrés, là, ce qu'on appelle ambrés. Mais, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Une boîte. C'est une boîte en bois. C'est du matériel portatif pour faire des autopsies. Il y a tout dedans. Je me disais, qui achète ça? Qui achète ça? En plus, c'est du matériel genre comme dans les années 20. Là. Mais c'était neuf. C'était neuf. Je me disais, qui achète ça? Qui a besoin de ça? En tout cas. L'urantia aurait été canalisé par. C'est ça que. Bon, c'est ça qui est dit d'habitude, c'est canalisé par un collectif. Et moi, j'ai trouvé ça insupportable à lire. Ah oui, je me suis pas rendu loin à la lecture. Bob, j'ai bien fait de ne pas acheter ça. C'était tellement cher. Je dis, voyons, ça n'a pas d'allure. C'est comme les livres là, de la Blavatsky, la doctrine secrète, hein, je ne sais pas comment. C'est de l'arnaque, tant qu'à moi, c'est bien trop cher. Puis c'est encore la société théosophique, je pense, qui est douée. Puis... Écoutez, là, c'est de la drogue pour des évaporés. Tant qu'à moi, là, pour des évaporés. Hein? Le monde que j'ai connu qui avait tout ça, là, c'était pas mieux que les autres. Sauf des fois, il parlait, c'était plus délirant que d'autres. Tant qu'à moi, là. Fait que ces affaires-là, vous savez, c'est comme dans le temps où j'allais les gugus de Salon du Livre, puis tout. Puis il y avait tout le temps un gars, vous savez, les éditions du Graal, là, les livres verts. Pas, là. Un peu le même genre tant qu'à moi. Toutes ces affaires-là. Toutes ces affaires-là. Moi, aujourd'hui, là, j'en ai soupé. Je suis tanné. Tout ce qui ressemble à ça. Je suis plus capable. Pourquoi? Parce que c'est de... Tant qu'à moi, c'est du vent. C'est du vent. Là, que les affaires des théosophes, les affaires de Gurdjieff, là, pis... Ouais, Gurdjieff, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des exercices pratiques. Mais ils sont pas dans les livres, nécessairement. Mais même là, Ça me fait penser, tu sais, vous savez, il y a des exercices liés à certaines formes de taoïsme. Il dit, si tu reproduis tel mouvement 100 000 fois, tu deviens immortel. Puis il y a du monde, ils passent leur vie. De la folie. Désolé. Moi, à mes yeux, c'est de la folie. Puis je dis ça au sens général, pas clinique. Bled King, Bled King. Bonjour, bonjour à vous. Donc, ah, ça va faire 1 heure bientôt. Je veux pas que ça soit trop long, là. J'avais surtout envie de rire un peu. Hein? Ma soeur a trouvé une trousse complète pour faire des exorcismes dans un magasin d'antiquité. Ah ouais, avec toute la patente, là. Ouais, mais c'est peut-être une trousse aussi de pour les derniers sacrements. L'affaire, ça dépend c'est quoi qu'il y a avec. Si vous avez le rituel romain d'exorcisme, là, oui. Ouais, c'est ça. Mais si, bon, ça dépend, ça peut être. Vous savez, il y avait une trousse sur les derniers sacrements parce que c'était complexe, le rituel avant, qu'il change. Ah, je commence à avoir chaud. J'ai le soleil dans le dos. Connais-vous ce livre, le livre du Rancier? Oui. Ben, je veux dire, il connaît de réputation. Bon. Est-ce que j'ai déjà lu ça? Non. Puis, je vais être franc, ça ne m'intéresse pas. Des affaires canalisées à cette heure, oui, non. Oubliez ça, peut-être pour nous détourner de ce qui est important. Ouais. Ben. Puis, sont-ils tout le temps chers, ces affaires-là? C'est tout le temps cher. Fait que, bon. Ce qui serait utile, ce serait d'être versé en herboristerie. Oui, entre autres. Les pharmaceutiques font pression pour que ça soit très, très réglementé. Ah oui, le rituel, il est dedans. Bon, c'est une affaire d'exorcisme. C'est une étoile violette. Toute la patente. Bon. Ah oui, c'est ça. Mais ben, franchement, moi, je n'achèterais pas ça. Mais c'est vous, là. Mais je veux dire, ou la personne que vous me parliez, Dieu sait où c'est allé, ça. Sans mauvais jeu de mots. C'est pas parce qu'ils ont décidé d'arrêter de faire ça qu'il faut que les particuliers, des jeunes, commencent à faire ça, là. Sinon, on s'en va voir des dérives déjà qu'il y en avait, même quand c'était du monde formé pour. Donc, ben, c'est même pas un conseil, Madame Page. Vous faites ce que vous voulez. Parce que je donne pas vraiment de conseils. Disons, c'est une opinion. Mais ça a sûrement de la valeur. Ça a sûrement même pas mal de valeur. Vous pouvez mettre ça en vente sur eBay, là, aux enchères. Puis peut-être vous allez obtenir beaucoup. Donc, les pharmaceutiques, moi, ce que je considère, regardez comment les naturopathes, puis tout ça, ils se font achaler. Puis ils font tout pour leur nez, puis tout. Si chaque particulier a une base, là, son temps, ça, ils pourront pas empêcher ça, là. L'affaire, c'est au niveau de votre culture générale. Si vous avez des bases un petit peu tout, là, ça va être bien difficile de vous empêcher de. Je veux dire, si vous avez une base dans tout, là, pas besoin d'avoir un doctorat dans ci puis dans ça. Si vous avez une petite base en chimie, une petite base en herpétique, vous avez. Être général, avoir des bonnes connaissances générales, une bonne culture générale. Le pont qui est tombé, c'est bizarre, moi. À qui le dit? Ben là, je veux dire, un gros porte-conteneur, c'est pas comme un bessic à gaz, là. En tout cas, moi, je vois ça comme une expérimentation, peut-être. Hein? Peut-être pour nous détourner de ce que là, on ne veut pas voir, savoir. Moi. Mais l'affaire, le pont, là. Moi, je vois comme. C'est comme l'affaire à un moment donné, c'était des déraillements. Ça se peut-tu que ce soit lié à des expériences par rapport à une guerre, des nouveaux types de guerre? Puis ils testent ça sur la population. Puis regardez les travailleurs qui sont morts noyés. Bon. Je veux dire, d'après moi, là, s'il y avait eu quelqu'un. Certains types de personnes sur le pont, ça n'arrivait pas. Bon, en tout cas, vous avez vu comment ça s'est effondré comme. C'est tellement désuet comme façon de répartir le poids sur des structures. Vous êtes mieux de faire toutes des petites structures séparées qui ont leur propre soutènement, qui est quelque chose, que tout est réparti sur la longueur, que vous défaites un pilier, puis ça s'effondre au complet. C'est comme le pont de Brooklyn, un jour, ils vont effondrer ça. Je suis sûr qu'on va le voir tomber un jour ou l'autre. Le Golden Gate. Possiblement, à un moment donné, il va arriver quelque chose. Puis, tandis que, regardez le pont qu'ils ont essayé de faire sauter là, pour la Crimée. Là. Ça, c'est bien fait. Mais c'est plus petit. Mais je veux dire... En tout cas. Hein? Coucou à vous, juste un petit coucou. Dans mon entourage, présentement, 3 personnes viennent de faire une embolie pulmonaire, tous âgés d'au moins 35 ans. Ouais. Ben, il y en a une dame que je connais, là, ça fait depuis 3 ans qu'elle a des sinusites à répétition, elle travaille dans le domaine de la santé. Puis les mêmes idiots qui disaient pour un petit rhume de rester chez soi, il y a force à travailler dans cet état-là. Chercher l'erreur. Bon, ben moi, je vais devoir quitter. Donc, je vais vous souhaiter une joyeuse Pâques. Donc, parce que là, j'ai vraiment le soleil dans le dos. Là. J'ai l'impression que j'ai chaud. Donc, bon, ben bonne journée à tous. Puis, prenez soin de vous. Puis, portez-vous bien. Puis, faites-vous-en pas trop. Au revoir.